Passe autour de toi les feuilles virevoltes au vent, tandis que la lune traverse les nuages au temps d'automne, aux jours qui raccourcissent, les couleurs se métamorphosent dans la beauté en prose. À ce temps d'automne, les feuilles virevoltent au vent, tandis que la lune traverse les nuages. Je danse un instant à l'heure avec elle, puis je m'endors, tandis que le soleil s'en va jusqu'à demain, où je le retrouverai, souriant encore. Au temps d'automne, les feuilles virevoltent au vent, tandis que la lune traverse les nuages. Autant d'automne, aux jours qui raccourcissent, les couleurs se métamorphosent.